La vie n'a cesse de te prendre par derrière. Alors serre les fesses, ou les sortir ta colère. C'est pas l'enfer, mes frères se ressemblent comme deux gouttes de sang. Non, on peut pas se taire avant de partir en poussière. Ni faire semblant d'être heureux en prenant des calmants. Face à la galère, ma haine grandit. Et par la PR, je m'anesthésie. Mais c'est la demeure, donc nique ta mère. J'en ai marre, je veux ma part de bonheur avant de partir au cimetière. Tous les soirs, c'est la même story, le même se vit. À croire que le mal est dans nos gènes et que le bien nous gêne. Je rejette les idées malsaines, mais c'est la gangrène. Les mauvais esprits m'engrènent. Et là, j'ai mal au cœur, envie de mourir, vomir. Sur la guerre, le FN, la misère et tout ce qui me vénère. Dédicace à la crasse de Le Pen. On te saigne, on te brûle et on te jette dans la Seine. Quand j'ai la haine, je tape dans les murs. Mes phalanges se brisent et le béton s'effrite comme du ch. Passe du seum pour que je m'assomme en chrome. Parce que dans les poches, j'ai pas une grosse somme. J'ai des cernes et des poches sous les yeux. Pareil que la drogue, ça rend joyeux. La mienne est douce car je suis nerveux. Je suis tombé dans la faille du système qui ne réglera pas tous mes problèmes. Je dois m'en sortir par moi-même. Enragé, je fais attention qu'à ceux que j'aime.